murder rates like that. The crowd went absolutely bananas. They suddenly were on top of us and the police were trying to keep them back. We ended up by locking ourselves in a toilet. There's no more enthusiastic a crowd of spectators than that of the Italians. They really follow the motor racing with a passion. Rien de plus populaire en Formule 1 qu'une victoire de la Scuderia derrière Ferrari à Monza. Au-delà d'être la plus grande écurie de l'histoire du sport, Ferrari a survécu à la lente disparition des grands constructeurs italiens au cours des années 50, avec Alfa Romeo, Maserati ou encore Lancia. À ce titre, elle porte la passion de tout un pays et chacune de ses victoires sur le circuit qui a la plus grande longévité de l'histoire du championnat du monde a toujours provoqué des célébrations mémorables. Aujourd'hui, retour sur les 11 pilotes qui ont inscrit leur nom dans le cœur des tifosi. Le passage de John Surtees, septuple champion du monde moto en Formule 1, avait été encouragé par Colin Chapman, fondateur de Lotus. Après un podium et une pole position en seulement 4 courses, il est parti rejoindre un autre projet chez Lola avant d'être recruté par Ferrari en 63. La saison 64 commence, ça tourne. Quand je parle... Non mais... La saison 1964 commence mal, mais la seconde partie de saison est à son avantage. Lorsque Surtees remporte sa deuxième victoire de l'année à Monza, il pensait avant tout à sa bataille pour le championnat face à Jim Clark et Graham Hill. Cependant, porté par la ferveur du public italien, il a compris l'importance de cette victoire pour Ferrari et ses fans. Une motivation supplémentaire qui lui a permis de remporter le championnat du monde à la fin de la saison. Le nom du regretté Ludovico Scarfiotti est profondément anecdotique dans l'histoire de la Formule 1, même dans la F1 des années 60. Vainqueur du Mans en 63, Scarfiotti était réputé pour ses performances en endurance, mais sa carrière en Formule 1 fut brève avec seulement 10 départs. Pour ajouter à l'incongruité de voir son nom dans une liste si prestigieuse, sa victoire à Monza en 66 a été gagnée alors que le championnat se jouait entre John Surtees, qui était parti de chez Ferrari à Cooper en courte saison, et Jack Brabham chez Brabham. L'Australien est sacré alors que Scarfiotti devient ce jour-là, et à ce jour, le dernier pilote italien à remporter le Grand Prix d'Italie pour Ferrari. Le très rapide Jody Scheckter avait rejoint Ferrari pour la saison 1979 en tant que numéro 1 et bénéficiant pour la première fois de sa carrière d'une machine capable de jouer régulièrement des victoires. Cependant, c'est son équipier Gilles Villeneuve qui s'illustre en début d'année et qui mène le championnat. En lutte contre les Ligier de Lafitte et de Payet, puis les Williams de Jones et Reutemann, Scheckter mise sur sa grande expérience pour amasser discrètement les petits points. Qualifié 3ème à Monza, il prend la tête au départ et s'envole vers son unique titre en Formule 1, le dernier de Ferrari pendant plus de 20 ans. Avec une personnalité originale et pleine d'humour, comme moi, Gerhard Berger était rapidement devenu un pilote très populaire dans le paddock et auprès des fans. Son talent inné s'est chargé de conquérir le cœur des tifosi lorsqu'il rejoint la Scuderia en 1987. En 1988, McLaren était imbattable, gagnant toutes les courses sauf une. Le Grand Prix d'Italie était un mois après la mort de Enzo Ferrari et se tenait dans une ambiance lourde pour son équipe. Grâce à une panne mécanique de Prost et une panne de cerveau de Senna à quelques tours de la fin, Gerhard Berger hérite de la tête de course et gagne devant son coéquipier Michele Alboreto. It's going to be a fantastic finish for the Italian Grand Prix and history is being made in 1988. Listen to the crowd. Ferrari wins. Ferrari second. And the first Italian Grand Prix since the death of the great Enzo Ferrari. Has seen his beloved scarlet cars from Maranello honor his memory. En gagnant dès sa première course en rouge, Fernando Alonso pensait qu'il allait enfin pouvoir se battre pour un titre à nouveau après deux années très difficiles chez Renault. Mais la saison fut difficile, à sombrer derrière les Red Bull, McLaren et à se battre contre les Renault et Mercedes. Cependant, l'équipe s'est réveillée en milieu de saison et Nando a pris sa première pole pour Ferrari à Monza. Luttant contre la très rapide McLaren-Mercedes de Jenson Button, Fernando a offert à Ferrari une victoire inoubliable, relançant sa campagne mondiale pour le titre après un week-end difficile pour Red Bull. La suite, c'était de la merde. Vraiment. Mais au moins, il a gagné pour Ferrari. Phil Hill, le premier Américain à être couronné champion du monde, a triomphé à Monza en 1960 et 1961, marquant sa première et sa dernière victoire en Formule 1 au passage. Sa première marque la fin d'une ère, étant la dernière victoire d'une Formule 1 à moteur avant au volant de la D246 qui a gagné le titre pilote avec Mike Hawthorn en 1958. Oui, parce qu'avant, les châssis duraient longtemps, donc... Champion en 1958 avec cette voiture, en 1960, elle était déjà dépassée. Son second triomphe avec Ferrari à Monza fut en 1961, mais en revanche, il fut profondément dramatique. Alors qu'il luttait pour le titre contre son coéquipier Wolfgang Von Trips, il prend la tête au départ, alors qu'un terrible accident au freinage de la Parabolica remplit la piste de débris. Il remporte le Grand Prix, et en rentrant au garage, il apprend que Von Trips était au cœur de l'accident, sa Ferrari partant dans le public et causant la mort de plus de 15 spectateurs. À la suite de ça, il devient donc champion du monde, un titre qu'il ne saura jamais célébrer. It was the pinnacle of his career, and he had just achieved everything he had ever dreamt of achieving. Went through the victory celebration and asked Carlo Chitti about Trips. And Chitti kind of mumbled something to him that wasn't exactly the truth, but he just knew Trips was dead. And that changed everything. It was the most bittersweet moment I think a human could possibly have. Le pilote suisse Clay Regazzoni a remporté sa première victoire en Formule 1 dès son troisième départ, et ce, à Monza avec Ferrari. Originaire du Tessin, il fut accueilli comme un véritable Italien, rendant ce succès d'autant plus populaire, bien que terni par le... Vas-y, je vais parler d'un mort. Il y a un pilote qui est mort. Tu te rends compte? Comme toi, un jour, tu seras mort. Et ce sera peut-être à cause de moi. Oh merde, ça tourne. Donc je disais, victoire très populaire de Regazzoni à Monza en 70, mais ternie par le décès de Jochen Rindt la veille. Cette victoire l'a placé dans la lutte au titre contre son coéquipier Jackie Higgs et Rindt, qui il n'était plus là, mais il était toujours devant, mathématiquement. Sa seconde victoire en 75 à Monza fut cruciale pour Ferrari, luttant pour le titre constructeur et ramenant justement le titre constructeur ce jour-là, un moment de célébration pour toute l'équipe, puisque Niki Lauda, qui terminait 3e ce jour-là, devenait champion du monde en même temps. Avec 3 victoires à Monza, Rubens Barrichello est le 3e pilote avec le plus de succès à Monza, à égalité avec 6 autres pilotes. 2 de ces 3 victoires sont venues chez Ferrari aux côtés de Schumacher. Ses victoires de 2002 et 2004 ont prouvé qu'il était bien plus qu'un simple coéquipier, puisqu'en 2002, il a dominé la course grâce à une stratégie sans faille, et sa victoire en 2004 a fait de lui un chouchou des tifosi. Ces 2 saisons marquant au passage ses 2 meilleurs classements au championnat du monde en tant que double vice-champion du monde. En témoignage de l'amour que lui portaient les fans, sa sublime victoire dominante en 2009 avec Brown Grand Prix a également été acclamée avec ferveur, même alors que c'était encore un adversaire. Rares sont ceux qui ont remporté Monza avec la Scuderia dès leur première saison, et Charles Leclerc en fait partie. Et il l'a fait avec la manière éclatante. Partant de la pole position, il a résisté à la pression de Lewis Hamilton quelques jours seulement après avoir remporté sa première victoire, marquée par la mort tragique de son ami Antoine Hubert lors du Grand Prix de Belgique en Formule 2. Cette victoire est d'autant plus belle que les choses semblaient totalement compromises lorsque Mercedes a ramené sa deuxième voiture avec des pneus neufs en fin de course pour l'attaquer. Mais heureusement pour Leclerc, Ferrari et les Tifosi, cette deuxième Mercedes était pilotée par Valtteri Bottas. Sa victoire en 2024 était des plus inattendues, piégeant des McLaren trop confiantes et faisant un arrêt de moins. Leclerc est un cas unique puisqu'on ne bénéficie pas du recul historique, contrairement à tous les autres qu'on a abordés, mais avec 27 pôles, 8 victoires, dont 2 de ses victoires à Monza, à l'heure actuelle, nul doute qu'il a gravé son nom parmi les légendes de la Scuderia Ferrari. Même si peut-être que dans 10 ans, tout le monde aura oublié qu'il existait, c'est faux. Ah, ça te fait rager, hein, toi qui ne l'aimes pas. Hein. Ah, t'es pas content, hein. Ascari a offert à Ferrari ses premières victoires à domicile et bien avant le début du championnat du monde en 1949. Une victoire italienne à Monza était pratiquement un acquis pour les Tifosi en cette ère où, en plus de Ferrari, Alfa Romeo et Maserati se partageaient les victoires. En 1951, il remporte la course avec 44 secondes d'avance sur son coéquipier José Froilán González, un signe de la saison 52 à venir. Année au cours de laquelle il a établi un record de 6 victoires sur une saison dans un championnat comptant 8 courses, donc en gros un total de 6 victoires sur 6 arrivées. I struggled to sort of understand what it means Ferrari. Yeah, okay, it's a race car. It's red, it looks good, but didn't understand about the history. Disait le Kaiser bien des années avant d'être devenu le plus grand pilote de l'histoire de la Scuderia. Sa première victoire à Monza, en 1996, dès sa première année, a marqué le début d'une série de 5 succès en rouge ici. En 2000, il a solidifié son statut de légende en remportant une victoire cruciale pour son premier titre avec Ferrari, égalant au passage les 41 victoires d'Ayrton Senna, donnant également lieu à des images qui sont devenues cultes en conférence de presse. Ses 5 victoires à Monza, sans même compter celles qu'il a acquises à Saint-Marin, terre de Ferrari, ont témoigné de son investissement et de sa volonté de combler les Tifosi, surtout si on considère que 2001, 2002 et 2004 sont ses années les plus dominantes de son histoire et qu'il n'y a pas gagné lors de ces saisons-là. Sa dernière victoire en 2006, suivie par l'annonce de sa retraite, a rendu ce moment encore plus emblématique. Et c'était tout pour cette petite chronique historique sur les vainqueurs Ferrari à Monza. Merci d'avoir supporté ce petit blabla, simplement anecdotique. On en fera un, je sais pas, j'ai juste fait ce truc, parce qu'il y a moyen de faire, de gratter 2-3 vues pour donner pour pouvoir payer les croquettes à la fin du mois. Je vous fais des bisous et à très bientôt.